Mina de Wangel de Stendhal. Mina de Wangel naquit dans le pays de la philosophie et de l'imagination à Königsberg. Vers la fin de la campagne de France, en 1814, le général prussien comte de Wangel quitta brusquement la cour et l'armée. Un soir, c'était à Craon, en Champagne, après un combat meurtrier où les troupes sous ses ordres avaient arraché la victoire, un doute assaillit son esprit. Un peuple a-t-il le droit de changer la manière intime et rationnelle suivant laquelle un autre peuple veut régler son existence matérielle et morale? Préoccupé de cette grande question, le général résolut de ne plus tirer l'épée avant de l'avoir résolue, il sortira dans ses terres de Königsberg. Surveillé de près par la police de Berlin, le comte de Wangel ne s'occupa que de ses méditations philosophiques et de sa fille unique, Mina. Peu d'années après, il mourut, jeune encore, laissant à sa fille une immense fortune, une mère faible et la disgrâce de la cour, ce qui n'est pas peu dire dans la fière Germanie. Il est vrai que, comme paratonnerre contre ce malheur, Mina de Wangel avait un des noms les plus nobles de l'Allemagne orientale. Elle n'avait que 16 ans, mais déjà le sentiment qu'elle inspirait aux jeunes militaires qui faisaient la société de son père allait jusqu'à la vénération et à l'enthousiasme. Ils aimaient le caractère romanesque et sombre qui quelquefois brillait dans ses regards. Une année se passa, son deuil fini, mais la douleur où l'avait jeté la mort de son père ne diminuait point. Les amis de Madame de Wangel commençaient à prononcer le terrible mot de maladie de poitrine. Il fallut cependant, à peine le deuil fini, que Mina parut à la cour d'un prince souverain dont elle avait l'honneur d'être un peu parente. En partant pour C, capitale des États du Grand-Duc, Madame de Wangel, effrayée des idées romanesques de sa fille et de sa profonde douleur, espérait qu'un mariage convenable et peut-être un peu d'amour la rendrait aux idées de son âge. « Que je voudrais, lui disait-elle, vous voir mariée dans ce pays, dans cet ingrat pays, dans cet ingrat pays, dans un pays, lui répondait sa fille d'un air pensif, où mon père, pour prix de ses blessures et de 20 années de dévouement, n'a trouvé que la surveillance de la police la plus vile qui fût jamais. Non, plutôt changer de religion et aller mourir religieuse dans le fond de quelque couvent catholique. » Mina ne connaissait les cours que par les romans de son compatriote Auguste Lafontaine. Ses tableaux de l'Albane présentent souvent les amours d'une riche héritière que le hasard expose aux séductions d'un jeune colonel, aide-de-camp du roi, mauvaise tête et bon cœur. Cet amour, né de l'argent, faisait horreur à Mina. « Quoi de plus vulgaire et de plus plat, disait-elle à sa mère, que la vie d'un tel couple un an après le mariage, lorsque le mari, grâce à son mariage, est devenu général-major et la femme dame d'honneur de la princesse héréditaire. Que devient leur bonheur s'ils éprouvent une banqueroute ? » Le grand-duc de C, qui ne songeait pas aux obstacles que lui préparaient les romans d'Auguste Lafontaine, voulut fixer à sa cour l'immense fortune de Mina. Plus malheureusement encore, un de ses aides-de-camp fit la cour à Mina, peut-être avec autorisation supérieure. Il n'en fallut pas davantage pour la décider à fuir l'Allemagne. L'entreprise n'était rien moins que facile. « Maman, dit-elle un jour à sa mère, je veux quitter ce pays et m'expatrier. Quand tu parles ainsi, tu me fais frémir. Tes yeux me rappellent ton pauvre père, lui répondit Madame de Wangel. Eh bien, je serai neutre. Je n'emploierai point mon autorité, mais ne t'attends point que je sollicite auprès des ministres du Grand-Duc la permission qui nous est nécessaire pour voyager en pays étranger. » Mina fut très malheureuse. Les succès que lui avaient valus ses grands yeux bleus si doux et son air distingué diminuèrent rapidement quand on apprit à la cour qu'elle avait des idées qui contrariaient celles de son Altesse Sérénissime. Plus d'une année se passa de la sorte. Mina désespérait d'obtenir la permission indispensable. Elle forma le projet de se déguiser en homme et de passer en Angleterre, où elle comptait vivre en vendant ses diamants. Madame de Wangel s'aperçut avec une sorte de terreur que Mina se livrait à de singuliers essais pour altérer la couleur de sa peau. Bientôt après, elle sut que Mina avait fait faire des habits d'homme. Mina remarqua qu'elle rencontrait toujours dans ses promenades à cheval quelques gendarmes du grand-duc. Mais, avec l'imagination allemande qu'elle tenait de son père, les difficultés, loin d'être une raison pour la détourner d'une entreprise, la lui rendaient encore plus attrayante. Sans y songer, Mina avait plu à la comtesse D. C'était la maîtresse du grand-duc, femme singulière et romanesque s'il en fut. Un jour, Se promenant à cheval avec elle, Mina rencontra un gendarme qui se mit à la suivre de loin. Impatientée par cet homme, Mina confia à la comtesse ses projets de fuite. Peu d'heures après, Madame de Wangle reçut un billet écrit de la propre main du grand-duc qui lui permettait une absence de 6 mois pour aller aux eaux de Bagnères. Il était 9 heures du soir. À 10 heures, ces dames étaient en route et fort heureusement le lendemain, avant que les ministres du grand-duc fussent éveillés, elles avaient passé la frontière. Ce fut au commencement de l'hiver de 1820 et quelques que Madame de Wangle et sa fille arrivèrent à Paris. Mina eut beaucoup de succès dans les bals des diplomates. On prétendit que ces messieurs avaient l'ordre d'empêcher doucement que cette fortune de plusieurs millions ne devînt la proie de quelques séducteurs français. En Allemagne, on croit encore que les jeunes gens de Paris s'occupent des femmes. Au travers de toutes ces imaginations allemandes, Mina, qui avait 18 ans, commençait à avoir des éclairs de bon sens. Elle remarqua qu'elle ne pouvait parvenir à se lier avec aucune femme française. Elle rencontrait chez toutes une politesse extrême, et après 6 semaines de connaissance, elle était moins près de leur amitié que le premier jour. Dans son affliction, Mina supposa qu'il y avait dans ses manières quelque chose d'impoli et de désagréable qui paralysait l'urbanité française. Jamais avec autant de supériorité réelle on ne vit tant de modestie. Par un contraste piquant, l'énergie et la soudaineté de ses résolutions étaient cachées sous des traits qui avaient encore toute la naïveté et tout le charme de l'enfance, et cette physionomie ne fut jamais détruite par l'air plus grave qui annonce la raison. La raison, il est vrai, ne fut jamais le trait marquant de son caractère. Malgré la sauvagerie polie de ses habitants, Paris plaisait beaucoup à Mina. Dans son pays, elle avait en horreur d'être saluée dans les rues et de voir son équipage reconnu. Assez, elle voyait des espions dans tous les gens mal vêtus qui lui ôtaient leur chapeau. L'incognito de cette république qu'on appelle Paris séduisit ce caractère singulier. Dans l'absence des douceurs de cette société intime que le cœur un peu trop allemand de Mina regrettait encore, elle voyait que tous les soirs on peut trouver à Paris un bal ou un spectacle amusant. Elle chercha la maison que son père avait habitée en 1814 et dont si souvent il l'avait entretenue. Une fois établie dans cette maison, dont il fallut à grand-peine renvoyer le locataire, Paris ne fut plus pour elle une ville étrangère. Mademoiselle Wangle reconnaissait les plus petites pièces de cette habitation. Quoique sa poitrine fût couverte de croix et de plaques, le comte de Wangle n'avait été au fond qu'un philosophe, rêvant comme Descartes ou Spinoza. Mina aimait les recherches obscures de la philosophie allemande et le noble stoïcisme de Fichte, comme un cœur tendre aime le souvenir d'un beau paysage. Les mots les plus inintelligibles de Kant ne rappelaient à Mina que le son de voix avec lequel son père les prononçait. Quelle philosophie ne serait pas touchante et même intelligible avec cette recommandation? Elle obtint de quelques savants distingués qu'ils vinssent chez elle faire des cours où n'assistaient qu'elle et sa mère. Au milieu de cette vie qui s'écoulait le matin avec des savants et le soir dans les bals d'ambassadeurs, l'amour n'effleura jamais le cœur de la riche héritière. Les Français l'amusaient, mais ils ne la touchaient pas. Sans doute, disait-elle à sa mère, qui les lui vantait souvent, ce sont les hommes les plus aimables que l'on puisse rencontrer. J'admire leur esprit brillant. Chaque jour, leur ironie si fine me surprend et m'amuse. Mais ne les trouvez-vous pas empruntés et ridicules dès qu'ils essaient de paraître émus? Est-ce que jamais leur émotion s'ignore elle-même? À quoi bon ces critiques? Répondait la sage Madame de Wangle. « Si la France te déplaît, retournons à Königsberg. Mais n'oublie pas que tu as 19 ans et que je puis te manquer. Songe à choisir un protecteur. Si je venais à mourir, ajoutait-elle en souriant et d'un air mélancolique, le grand-duc de C te ferait épouser son aide-de-camp. » Par un beau jour d'été, Madame de Wangle et sa fille étaient allées à Compiègne pour voir une chasse du roi. Les ruines de Pierrefonds, que Mina perçut tout à coup au milieu de la forêt, la frappèrent extrêmement. Encore esclave des préjugés allemands, tous les grands monuments qu'enferme Paris, cette nouvelle Babylone, lui semblaient avoir quelque chose de sec, d'ironique et de méchant. Les ruines de Pierrefonds lui parurent touchantes, comme une ruine de ces vieux châteaux qui couronnent les cimes du Brocken. Mina conjura sa mère de s'arrêter quelques jours dans la petite auberge du village de Pierrefonds. Ces dames y étaient fort mal. Un jour de pluie survint. Mina, étourdie comme à 12 ans, s'établit sous la porte cochère de l'auberge, occupée à voir tomber la pluie. elle remarqua l'affiche d'une terre à vendre dans le voisinage. Elle arriva un quart d'heure après chez le notaire, conduite par une fille d'auberge qui tenait un parapluie sur sa tête. Ce notaire fut bien étonné de voir cette jeune fille vêtue si simplement discuter avec lui le prix d'une terre de plusieurs centaines de mille francs, le prit ensuite de signer un compromis et d'accepter comme art du marché quelques billets de 1 000 francs de la Banque de France. Par un hasard que je me garderai d'appeler singulier, Mina ne fut trompée que de très peu. Cette terre s'appelait le Petit Verberie. Le vendeur était un comte de Rupert, célèbre dans tous les châteaux de la Picardie. C'était un grand jeune homme, fort beau. On l'admirait au premier moment, mais peu d'instants après, on se sentait repoussé par quelque chose de dur et de vulgaire. Le comte de Rupert se prétendit bientôt l'ami de Madame de Wangel. Il l'amusait. C'était peut-être parmi les jeunes gens de ce temps le seul qui rappela ces roués aimables dont les mémoires de Lauzun et de Tilly présentent le roman embelli. Monsieur de Rupert achevait de dissiper une grande fortune. Il imitait les travers des seigneurs du siècle de Louis XIV et ne concevait pas comment Paris s'y prenait pour ne pas s'occuper exclusivement de lui. Désappointé dans ses idées de gloire, il était devenu amoureux fou de l'argent. Une réponse qu'il reçut de Berlin porta à son comble sa passion pour Mademoiselle de Wangel. 6 mois plus tard, Mina disait à sa mère « Il faut vraiment acheter une terre pour avoir des amis. Peut-être perdrions-nous quelques 1 000 francs si nous voulions nous défaire du Petit Verberie. Mais à ce prix, nous comptons maintenant une foule de femmes aimables parmi nos connaissances intimes. » Toutefois, Mina ne prit point les façons d'une jeune Française. Tout en admirant leur grâce séduisante, elle conserva le naturel et la liberté des façons allemandes. Madame de Célie, la plus intime de ses nouvelles amies, disait de Mina qu'elle était différente, mais non pas singulière. Une grâce charmante lui faisait tout pardonner. On ne lisait pas dans ses yeux qu'elle avait des millions. Elle n'avait pas la simplicité de la très bonne compagnie, mais la vraie séduction. Cette vie tranquille fut troublée par un coup de tonnerre. Mina perdit sa mère. Dès que sa douleur lui laissa le temps de songer à sa position, elle la trouva des plus embarrassantes. Madame de Célie l'avait amenée à son château. « Il faut, lui disait cette amie, jeune femme de 30 ans, il faut retourner en Prusse, c'est le parti le plus sage. Sinon, il faut vous marier ici dès que votre deuil sera fini, et en attendant, faire bien vite venir de Königsberg une dame de compagnie qui, s'il se peut, soit de vos parentes. » Il y avait une grande objection. Les Allemandes, même les filles riches, croient qu'on ne peut épouser qu'un homme qu'on adore. Madame de Célie nommait à Mademoiselle de Wangel 10 parties sortables. Tous ces jeunes gens semblaient à Mina vulgaires, ironiques, presque méchants. Mina passa l'année la plus malheureuse de sa vie. Sa santé s'altéra et sa beauté disparut presque entièrement. Un jour qu'elle était venue voir Madame de Célie, on lui apprit qu'elle verrait à dîner la célèbre Madame de Larçay. C'était la femme la plus riche et la plus aimable du pays. On la citait souvent pour l'élégance de ses fêtes et la manière parfaitement digne, aimable et tout à fait exempte de ridicule avec laquelle elle savait défaire une fortune considérable. Mina fut étonnée de tout ce qu'elle trouva de commun et de prosaïque dans le caractère de Madame de Larçay. Voilà donc ce qu'il faut devenir pour être aimé ici. Dans sa douleur, car le désappointement du beau est une douleur pour les cœurs allemands, Mina cessa de regarder Madame de Larçay et par politesse fit la conversation avec son mari. C'était un homme fort simple qui, pour toute recommandation, avait été page de l'empereur Napoléon à l'époque de la retraite de Russie et s'était distingué par une bravoure au-dessus de son âge dans cette campagne et dans les suivantes. Il parla, Mina, fort bien et fort simplement de la Grèce, où il venait de passer 1 ou 2 années, se battant pour les Grecs. Sa conversation plut à Mina. Il lui fit l'effet d'un ami intime qu'elle reverrait après en avoir été longtemps séparée. Après dîner, on alla voir quelques sites célèbres de la forêt de Compiègne. Mina eut plus d'une fois l'idée de consulter M. de Larçay sur ce que sa position avait d'embarrassant. Les airs élégants du comte de Rupert, qui ce jour-là suivait les calèches à cheval, faisaient ressortir les manières pleines de naturel et même naïves de M. de Larçay. Le grand événement au milieu duquel il avait débuté dans la vie, en lui faisant voir le cœur humain tel qu'il est, avait contribué à former un caractère inflexible, froid, positif, assez enjoué, mais dénué d'imagination. Ces caractères font un effet étonnant sur les âmes qui ne sont qu'imagination. Mina fut étonnée qu'un Français pût être aussi simple. Le soir, quand il fut parti, Mina se sentit comme séparée d'un ami qui, depuis des années, aurait su tous ses secrets. Tout lui sembla sec et importun, même l'amitié si tendre de Madame de Célie. Mina n'avait eu besoin de déguiser aucune de ses pensées auprès de son nouvel ami. La crainte de la petite ironie française ne l'avait point obligée, à chaque instant, à jeter un voile sur sa pensée allemande si pleine de franchise. Monsieur de Larçay s'affranchissait d'une foule de petits mots et de petits gestes demandés par l'élégance. Cela le vieillissait de 8 ou 10 ans, mais par cela même, il occupa toute la pensée de Mina pendant la première heure qui suivit son départ. Le lendemain, elle était obligée de faire un effort pour écouter même Madame de Célie. Tout lui semblait sec et méchant. Elle ne regardait plus comme une chimère, qu'il fallait oublier, l'espoir de trouver un cœur franc et sincère, qui ne chercha pas toujours le motif d'une plaisanterie dans la remarque la plus simple. Elle fut rêveuse toute la journée. Le soir, Madame de Célie nomma Monsieur de Larçay. Mina tressaillit et se leva comme si on lui appelait. Elle rougit beaucoup et eut bien de la peine à expliquer ce mouvement singulier. Dans son trouble, elle ne put pas se déguiser plus longtemps à elle-même ce qui lui importait de cacher aux autres. Elle s'enfuit dans sa chambre. « Je suis folle, » se disait-elle. À cet instant commença son malheur. Il fit des pas de géant. En peu d'instants, elle en fut à avoir des remords. « J'aime d'amour et j'aime un homme marié. » Tel fut le remords qui l'agita toute la nuit. Monsieur de Larçay, partant avec sa femme pour les eaux d'Aix-en-Savoie, avait oublié une carte sur laquelle il avait montré à ces dames un petit détour qu'il comptait faire en allant à Aix. Un des enfants de Madame de Célie trouva cette carte. Mina s'en empara et se sauva dans les jardins. Elle passa une heure à suivre le voyage projeté par Monsieur de Larçay. Les noms des petites villes qu'il allait parcourir lui semblaient nobles et singuliers. Elle se faisait les images les plus pittoresques de leur position. Elle enviait le bonheur de ceux qui les habitaient. Ses douces folies furent si fortes qu'elle suspendit ses remords. Quelques jours après, on dit chez Madame de Célie que les Larçay étaient partis pour la Savoie. Cette nouvelle fut une révolution dans l'esprit de Mina. Elle éprouva un vif désir de voyager. À 15 jours de là, une dame allemande, d'un certain âge, arrivait à Aix-en-Savoie dans une voiture de louage prise à Genève. Cette dame avait une femme de chambre contre laquelle elle montrait tant d'humeur que Madame Toineau, la maîtresse de la petite auberge où elle était descendue, en fut scandalisée. Madame Kramer, c'était le nom de la dame allemande, fit appeler Madame Toineau. « Je veux prendre auprès de moi, lui dit-elle, une fille du pays qui sache les êtres de la ville d'Aix et de ses environs. Je n'ai que faire de cette belle demoiselle que j'ai eu la sottise d'amener et qui ne connaît rien ici. « Mon Dieu, votre maîtresse a l'air bien en colère contre vous, dit Madame Toineau à la femme de chambre, dès qu'elles se trouvèrent seules. « Ne m'en parlez pas, » dit Anniken, les larmes aux yeux. « C'était bien la peine de me faire quitter Francfort, où mes parents tiennent une bonne boutique. « Ma mère a les premiers tailleurs de la ville et travaille absolument à l'instar de Paris. « Votre maîtresse m'a dit qu'elle vous donnerait 300 francs quand vous voudriez pour retourner à Francfort. « J'y serais mal reçu. Jamais ma mère ne voudra croire que Madame Kramer m'a renvoyé sans motif. « Eh bien, restez à Aix, je pourrais vous y trouver une condition. « Je tiens un bureau de placement. C'est moi qui fournis des domestiques aux baigneurs. « Il vous en coûtera 60 francs pour les frais. « Et sur les 300 francs de Madame Kramer, il vous restera encore 10 boulouis d'or. « Il y aura 100 francs pour vous au lieu de 60, dit Anniken, « si vous me placez dans une famille française. « Je veux achever d'apprendre le français et aller servir à Paris. « Je sais fort bien coudre et pour gage de ma fidélité, « je déposerai chez mes maîtres 20 louis d'or que j'ai apportés de Francfort. » Le hasard favorisa le roman qui avait déjà coûté 200 ou 300 louis à Mademoiselle de Wangel. Monsieur et Madame de Larçay arrivèrent à la Croix-de-Savoie. C'était l'hôtel à la mode. Madame de Larçay trouva qu'il y avait trop de bruit et prit un logement dans une charmante maison sur le bord du lac. Les eaux étaient fort gaies cette année-là. Il y avait grand concours de gens riches, souvent de très beaux bals, où l'on était paré comme à Paris, et chaque soir, grande réunion à la Redoute. Madame de Larçay, mécontente des ouvrières d'Aix, peu adroite et peu exacte, voulut avoir auprès d'elle une fille qui sût travailler. On l'adressa au bureau de Madame Toineau, qui ne manqua pas de lui amener des filles du pays évidemment trop gauches. Enfin parut Anniken, dont les 100 francs avaient redoublé l'adresse naturelle de Madame Toineau. L'air sérieux de la jeune Allemande plut à Madame de Larçay. Elle la retint et envoya chercher sa malle. Le même soir, après que ses maîtres furent partis pour la redoute, Anniken se promenait en rêvant dans le jardin sur le bord du lac. « Enfin, se dit-elle, voilà cette grande folie consommée. Que deviendrai-je si quelqu'un me reconnaît? Que dirait Madame de Célie qui me croit à Königsberg ?» Le courage qui avait soutenu Mina tant qu'il avait été question d'agir commençait à l'abandonner. Son âme était vivement émue, sa respiration se pressait. Le repentir, la crainte de la honte, la rendaient fort malheureuse. Mais enfin la lune se leva derrière la montagne de Hautecombe. Son disque brillant se réfléchissait dans les eaux du lac, doucement agité par une brise du nord. De grands nuages blancs à forme bizarre passaient rapidement devant la lune et semblaient à Mina comme des géants immenses. « Ils viennent de mon pays, se disait-elle. Ils veulent me voir et me donner courage au milieu du rôle singulier que je viens d'entreprendre. » Son œil attentif et passionné suivait leurs mouvements rapides. « Ombre de mes aïeux, se disait-elle, reconnaissez votre sang. Comme vous, j'ai du courage. Ne vous effrayez point du costume bizarre dans lequel vous me voyez. Je serai fidèle à l'honneur. » Cette flamme secrète d'honneur et d'héroïsme que vous m'avez transmise ne trouve rien de digne d'elle dans le siècle prosaïque où le destin m'a jeté. Me mépriserez-vous parce que je me fais une destinée en rapport avec le feu qui m'anime ? Mina n'était plus malheureuse. Un chant doux se fit entendre dans le lointain. La voix partait apparemment de l'autre côté du lac. Ses sons mourants arrivaient à peine jusqu'à l'oreille de Mina, qui écoutait attentivement. Ses idées changèrent de cours, elle s'attendrit sur son sort. Qu'importe mes efforts, je ne pourrais tout au plus que m'assurer que cette âme céleste et pure que j'avais rêvée existe en effet dans ce monde. Elle restera invisible pour moi. Est-ce que jamais j'ai parlé devant ma femme de chambre? Ce déguisement malheureux n'aura pour effet que de m'exposer à la société des domestiques d'Alfred. Jamais il ne daignera me parler. » Elle pleura beaucoup. « Je le verrai du moins tous les jours, » dit-elle tout à coup en reprenant courage. « Un plus grand bonheur n'était pas fait pour moi. Ma pauvre mère avait bien raison. « Que de folie tu feras un jour, » me disait-elle, « si jamais tu viens à aimer. » La voix qui chantait sur le lac se fit entendre de nouveau, mais de beaucoup plus près. Mina comprit alors qu'elle partait d'une barque, que Mina aperçut par le mouvement qu'elle communiquait aux ondes argentées par la lune. Elle distingua une douce mélodie digne de Mozart. Au bout d'un quart d'heure, elle oublia tous les reproches qu'elle avait à se faire et ne songeait qu'au bonheur de voir Alfred tous les jours. « Et ne faut-il pas, se dit-elle enfin, que chaque être accomplisse sa destinée ?» Malgré les hasards heureux de la naissance et de la fortune, il se trouve que mon destin n'est pas de briller à la cour ou dans un bal. J'attirais les regards, je m'y suis vu admirer, et mon ennui, au milieu de cette foule, allait jusqu'à la mélancolie la plus sombre. Tout le monde s'empressait de me parler, moi, je m'y ennuyais. Depuis la mort de mes parents, mes seuls instants de bonheur ont été ceux où, sans avoir de voisins ennuyeux, j'écoutais de la musique de Mozart. Est-ce ma faute si la recherche du bonheur, naturel à tous les hommes, me conduit à cette étrange démarche? Probablement elle va me déshonorer. Eh bien, les couvents de l'Église catholique m'offrent un refuge. » Minuit sonnait au clocher d'un village de l'autre côté du lac. Cette heure solennelle fit tressaillir Mina. La lune n'éclairait plus. Elle rentra. Ce fut appuyé sur la balustrade de la galerie qui donnait sur le lac et le petit jardin que Mina, cachée sous le nom vulgaire d'Anniken, attendit ses maîtres. La musique lui avait rendu toute sa bravoure. Mes aïeux, se disait-elle, quittaient leur magnifique château de Königsberg pour aller à la Terre Sainte. Peu d'années, ils en revenaient seuls, au travers de 1000 périls, déguisés comme moi. Le courage qui les animait me jette, moi, au milieu des seuls dangers qui restent, en ce siècle puéril, plat et vulgaire, à la portée de mon sexe. Que je m'en tire avec honneur, et les âmes généreuses pourront s'étonner de ma folie, mais en secret, elles me la pardonneront. Les jours passèrent rapidement et bientôt trouvèrent Mina réconciliée avec son sort. Elle était obligée de coudre beaucoup. Elle prenait gaiement les devoirs de ce nouvel état. Souvent, il lui semblait jouer la comédie. Elle se plaisantait elle-même quand il lui échappait un mouvement étranger à son rôle. Un jour, à l'heure de la promenade, après dîner, quand le laquais ouvrit la calèche et déploya le marchepied, elle s'avança lestement pour monter. « Cette fille est folle, » dit Madame de Larçay. Alfred la regarda beaucoup. Il lui trouvait une grâce parfaite. Mina n'était nullement agitée par les idées de devoir ou par la crainte du ridicule. Ses idées de prudence humaine étaient bien au-dessous d'elle. Toutes les objections qu'elle se faisait ne venaient que du danger d'inspirer des soupçons à Madame de Larçay. Il y avait à peine 10 semaines qu'elle avait passé toute une journée avec elle et dans un rôle bien différent. Chaque jour, Mina se levait de grand matin afin de pouvoir pendant 2 heures se livrer aux soins de s'enlaidir. Ses cheveux blonds, si beaux, et qu'on lui avait dit si souvent qu'il était si difficile d'oublier, quelques coups de ciseau en avaient fait justice. Grâce à une préparation chimique, ils avaient pris une couleur désagréable et mélangée tirant sur le châtain foncé. Une légère décoction de feuilles de houx, appliquée chaque matin sur ses mains délicates, leur donnait l'apparence d'une peau rude. Chaque matin aussi, ce teint si frais prenait quelques-unes des teintes désagréables que rapportent des colonies les blancs dont le sang a eu quelque rapport avec la race nègre. Contente de son déguisement qui la rendait plutôt trop laide, Mina songea à ne pas avoir d'idée d'un ordre trop remarquable. Absorbée dans son bonheur, elle n'avait nulle envie de parler. Placée auprès d'une fenêtre dans la chambre de Madame de Larçay et occupée à arranger des robes pour le soir, 20 fois par jour elle entendait parler Alfred et avait de nouvelles occasions d'admirer son caractère. Oserons-nous le dire? Pourquoi pas puisque nous peignons un cœur allemand? Il y eut des moments de bonheur et d'exaltation où elle alla jusqu'à se figurer que c'était un être surnaturel. Le zèle sincère et plein d'enthousiasme avec lequel Mina s'acquittait de ses nouvelles fonctions eut son effet naturel sur Madame de Larçay, qui était une âme commune. Elle traita Mina avec hauteur et comme une pauvre fille qui était trop heureuse qu'on lui donnât de l'emploi. Tout ce qui est sincère et vif sera donc à jamais déplacé parmi ces gens-ci, se dit Mina. Elle laissait deviner le projet de rentrer en grâce auprès de Madame Kramer. Presque tous les jours, elle demandait la permission d'aller la voir. Mina avait craint que ses manières ne donnassent des idées singulières à Madame de Larçay. Elle reconnut avec plaisir que sa nouvelle maîtresse, ne voyant en elle qu'une fille moins habile à la couture que la femme de chambre qu'elle avait laissée à Paris. Monsieur Dubois, le valet de chambre d'Alfred, fut plus embarrassant. C'était un Parisien de 40 ans et d'une mise soignée, qui crut de son devoir de faire la cour à sa nouvelle camarade. Anniken le fit parler, et s'aperçut qu'heureusement sa seule passion était d'amasser un petit trésor pour être en état d'ouvrir un café à Paris. Alors, sans se gêner, elle lui fit des cadeaux. Bientôt, Dubois la servit avec autant de respect que Madame de Larçay elle-même. Alfred remarqua que cette jeune Allemande, quelquefois si gauche et si timide, avait des façons fort inégales, des idées justes et fines qui valaient la peine d'être écoutées. Mina, voyant dans ses yeux qu'il l'écoutait, se permit quelques réflexions délicates et justes, surtout quand elle avait l'espoir de n'être pas entendue ou de n'être pas comprise par Madame de Larçay. Si, durant les 2 premiers mois que Mademoiselle de Bangle passa à Aix, un philosophe lui demandait quel était son but, l'enfantillage de la réponse l'eût étonné, et le philosophe eût soupçonné un peu d'hypocrisie. Voir et entendre à chaque instant l'homme dont elle était folle était l'unique but de sa vie. Elle ne désirait pas autre chose, elle avait trop de bonheur pour songer à l'avenir. Si le philosophe lui eût dit que cet amour pouvait cesser d'être aussi pur, il l'eût irrité encore plus qu'étonné. Mina étudiait avec délice le caractère de l'homme qu'elle adorait. C'était surtout comme contraste avec la haute société dans laquelle la fortune et le rang de son père, membre de la chambre haute, l'avaient placé, que brillait le caractère du tranquille Larçay. S'il eût vécu parmi les bourgeois, la simplicité de ses manières, son horreur pour l'affectation et les grands airs, l'eussent peint à leurs yeux comme un homme d'une médiocrité achevée. Alfred ne cherchait jamais à dire des choses piquantes. Cette habitude était ce qui, le premier jour, avait le plus contribué à faire naître l'extrême attention de Mina. Voyant les Français à travers les préjugés de son pays, il lui semblait que leur conversation avait toujours l'air de la fin d'un couplet de vaudeville. Alfred avait vu assez de gens distingués en sa vie pour pouvoir faire de l'esprit avec sa mémoire, mais il se serait gardé comme d'une bassesse de dire des mots de pur agrément qu'il n'eût pas inventé dans le moment et que quelqu'un des auditeurs eût pu savoir comme lui. Chaque soir, Alfred conduisait sa femme à la redoute et revenait ensuite chez lui pour se livrer à une passion pour la botanique que venait de faire naître le voisinage des lieux où Jean-Jacques Rousseau avait passé sa jeunesse. Alfred plaça ses cartons et ses plantes dans le salon où travaillait Anniken. Chaque soir, ils se trouvaient seuls ensemble des heures entières, sans que, de part ni d'autre, il ne fût dit un mot. Ils étaient tous les deux embarrassés et pourtant heureux. Anniken n'avait d'autre prévenance pour Alfred que celle de faire fondre d'avance de la gomme dans de l'eau pour qu'il pût coller dans son herbier des plantes sèches, et encore, elle ne se permettait ce soin que parce qu'il pouvait passer pour faire partie de ses devoirs. Quand Alfred n'y était pas, Mina admirait ces jolies plantes qu'il rapportait de ses courses dans les montagnes si pittoresques des bords du lac du Bourget. Elle se prit d'un amour sincère pour la botanique. Alfred trouva cela commode et bientôt singulier. « Il m'aime, » se dit Mina, « mais je viens de voir comment mon zèle pour les fonctions de mon état a réussi auprès de Madame de Larçay. » Madame Cramer feignit de tomber malade. Mina demanda et obtint la permission de passer ses soirées auprès de son ancienne maîtresse. Alfred fut étonné de sentir décroître et presque disparaître son goût pour la botanique. Il restait le soir à la redoute et sa femme le plaisantait sur l'ennui que lui donnait la solitude. Alfred s'avoua qu'il avait du goût pour cette jeune fille. Contrarié par la timidité qu'il se trouvait auprès d'elle, il eut un moment de fatuité. « Pourquoi, se dit-il, ne pas agir comme le ferait un de mes amis ? Ce n'est après tout qu'une femme de chambre. »